Chique-moi ça. Ça, très bon. C'est du bon tabac. Il sait qu'elle a essayé de traîner sa jambe de bois. Très bon. Très bon, très bon. T'as pas ni ou t'as pas su. Quand t'as fini, tu craches par dessus. Péter la gueule. Comme ça. Moi, je fais une quiche. Et ça. Très bon. Solement, solement. Fais une quiche. Fais une quiche. Fais une quiche. Fais une quiche. On vit tous sur le même bateau, on dérive sur le même radeau. Tous les capitaines sont des enfants de salauds. Ils ignorent nos problèmes, Dieu sait qu'ils parlent de trop. Ils savent que la coque de ce bateau pourri ne tiendra pas le choc s'ils restent tous assis. Ils préfèrent dépenser, décorer leur salon, mais leur bite va craquer, leurs jambes sont des jambons. Jusqu'au jour où des loups comme vous, comme toi, comme moi, feront la révolution et foutront le feu au mât. Faut sauver ce bateau, tant qu'il est encore temps. Lançons la mutinerie, changeons de cap, c'est le moment. Allez, Athènes. Nationalité. Chikorus, nous saillons. Et il nous reste la vie. Ah, libérer bon. Les esclaves, prisonniers dans la cale d'un fou qui se croit juste, mais c'est un amiral. Il mène ses bateaux au gré des pots de vin que de pauvres matelots lui donnent en sous-main. Allons, mon capitaine, ouais. Vos hommes le savent bien. Ouais. Y'a plus une goutte de rhum depuis 3 semaines au moins. On n'est pas des pirates, on est votre équipage. Mais le navire va dans le mur, on prend les choses en charge. Ouais, ça c'est vrai. Vous êtes sûrement aveugle, ou peut-être vous êtes fou, ou alors aussi con que le capitaine Igloo. La tempête fait rage, la boussole devient folle. C'est quoi sur un bateau? Il y a plus de canot de sauvetage. Et vous mettez à la poche. Les commandes bien en main, avec la peur au ventre. C'est pas demain la veille qu'on pourra jeter l'ancre. Ça c'est bien, parce que, pas dans la merde.